On la retrouve un peu partout, au beau milieu de mes affaires, comme ce petit mot doux égaré sur une étagère. Sa photo dans mon portefeuille, entre deux tickets de ciné, et la peluche sur le fauteuil, devine qui me l'a donné. C'est mon ex, juste une histoire de réflexe. Mon ex, rien à voir avec le sexe. Mon ex, il faut pas que tu te vexes. À cause de mon ex, à cause de mon ex, à cause de mon ex. L'enveloppe dans le tiroir contient notre correspondance. Chez elle, il y a toute une armoire pour nos lettres de romance. Si on ne s'écrit pas autant, toi et moi, c'est pas une raison pour croire que c'était mieux avant. Je ne fais pas de comparaison entre toi et mon ex, juste une histoire de réflexe. Mon ex, rien à voir avec le sexe. Mon ex, il faut pas que tu te vexes. À cause de mon ex, à cause de mon ex, à cause de mon ex. Mais non, je ne la revois plus, à part seulement de temps en temps. Et par hasard dans la rue, la page est tournée maintenant. D'ailleurs, elle a un nouveau mec, du genre qui se prend pour recharger, alors qu'il vaut pas un copec. J'arrête pas de lui dire à mon ex, juste une histoire de réflexe. Mon ex, rien à voir avec le sexe. Mon ex, il faut pas que tu te vexes. À cause de mon ex, à cause de mon ex, à cause de mon ex.